Le Fossoyeur par André Theuriet. J'avais été chargé par un ami absent de surveiller l'entretien d'une tombe au Père Lachaise. La tombe renfermait les restes d'une personne passionnément aimée, et ça avait été un gros crève-cœur pour mon ami, en s'exilant en province, d'abandonner cet entretien pieux à des mains étrangères. Tant que nous pouvons visiter la sépulture de nos morts et planter des fleurs dans la terre qui les recouvre, il nous semble qu'ils ne nous ont pas tout à fait quittés. Le jour où les hasards de la vie nous forcent à interrompre cette visite coutumière renouvelle toutes les douleurs de la séparation. J'avais essayé de consoler l'absent en lui promettant de me rendre exactement au cimetière, aux époques où il avait l'habitude d'y faire son dévot pèlerinage, et je m'acquittais pour la première fois de ce devoir un matin de juillet. J'indiquai au surveillant la situation approximative de la tombe et on m'y fit conduire par un des ouvriers préposés au service de ce quartier de la ville des morts. C'était un homme entre deux âges, à la moustache rousse, à l'œil bleu très doux, au teint hâlé et couperosé. Coiffé d'un chapeau de grosse paille, ayant, à cause de la chaleur, pour tout vêtement un pantalon de cotonnade bleu déteinte et une chemise de toile bise, il marchait lourdement à la façon des paysans, et toute sa personne était comme enveloppée d'une naïve rusticité qui ne sentait en rien l'ouvrier de Paris. Après avoir cheminé pendant 10 minutes le long des allées où les monuments funèbres se serraient les uns contre les autres, nous arrivâmes à l'emplacement que je cherchais. La sépulture recommandée à mes soins se composait d'une simple dalle de granit autour de laquelle régnait une bordure de fleurs et qu'une grille de fer protégeait contre les indiscrétions des passants. Dès le premier coup d'œil, je pus me convaincre de l'opportunité de ma visite. Le soleil de juillet avait mis les plates-bandes en piteux état. Les rosiers jaunissaient, les pensées étalaient çà et là leurs fleurs recroquevillées, et les héliotropes, faute d'eau, s'étaient séchés sur pied. Je fis marcher avec le gardien qui m'accompagnait pour le renouvellement des plantes, et afin de stimuler son zèle, je lui donnai en outre un honnête pourboire. Sa figure allait s'épanouir, un rire silencieux ouvrit sa bouche édentée et plissa de petites rides autour de ses yeux bleus. « Vous êtes un bon client, vous, » me dit-il en faisant glisser son argent dans la poche de son pantalon. « Ainsi, vous pouvez dormir sur les deux oreilles. Je vais soigner cette tombe-là. J'y planterai des fleurs vivaces qui seront moins susceptibles, et je viendrai les arroser tous les matins. Tenez-vous tranquille, ce sera de l'ouvrage fignolé. » Son accent campagnard sonnait familièrement à mes oreilles. À certaines expressions dont il assaisonnait ses propos, et qu'exhalait une originale senteur de terroir. Il me sembla reconnaître un compatriote. « Ne seriez-vous pas Lorrain ?» lui demandai-je. « Vous avez, ma fille, mis le doigt dessus, » répondit-il en continuant à sourire silencieux. « Je suis de Florent, là-bas, dans l'Argonne. » Je ne m'étais pas trompé, nous étions pays, et je le lui dis, ce qui donna un tour plus intime à notre conversation. Je le questionnai sur son village, et il m'apprit qu'il l'avait quitté depuis 6 ans seulement. Il y travaillait la terre, et il possédait même encore quelques bouts de champ. « Et comment, repris-je, l'idée vous est-elle venue de changer votre métier de cultivateur contre celui que vous faites ici ?»« Je vais vous dire, » répliqua-t-il, « c'est cette diablesse de politique qui est en cause. J'ai été marié avec un tas d'enfants, 5 en 8 ans, et dame, ça faisait bel et bien des bouches à nourrir. Depuis quelques années, la terre ne rapporte plus comme dans les temps. On ne gagne pas seulement pour la semence. Alors, à seule fin de mettre un peu de beurre dans ma soupe, je m'étais fait, comme ils disent, agent électoral. J'avais même rendu quelques services aux députés de cette époque-là, un gros marchand de bois de la vallée de la Meuse, vous l'avez peut-être bien connu. Un jour que je lui contais mes doléances et les mots que j'avais à joindre les deux bouts, « Mon brave, » qu'il me répond, « affermez donc vos champs et venez me voir à Paris. Je vous trouverai une place, moi, et une bonne, dans le gouvernement. » C'était avant les élections, ça. Ma foi, fait et dit, une fois le scrutin fini et notre homme réélu, je me pense. Je serais pardi une grosse bête de ne pas profiter de ses bonnes promesses. Je loue mes 3 ou 4 morceaux de terre, j'emballe au chemin de fer femme, enfant et mon petit butin, et nous voilà débarqués dans ce gredin de Paris. Je loge toute ma nichée dans un garni aux environs de la gare de l'Est et je m'occupe d'aller trouver mon député. Ça n'a pas été aisé, pour sûr. Cet homme-là était plus difficile à prendre qu'une anguille. Quand je montais chez lui, il était à la chambre. Quand j'allais le réclamer à la chambre, je ne l'y trouvais jamais. Pendant une semaine, je fis ainsi la navette renvoyée d'Hérode à Pilate. Enfin, un matin, je l'appelle au saut du lit et je lui dégoise mon affaire. Tout d'abord, il ne me remettait pas et faisait celui qui ne sait pas de quoi il retourne, mais comme je tenais bon. C'est bien qu'il me dit, revenez dans 8 jours. Le 8e jour, j'étais chez lui, la bouche enfarinée. Ah, bon voilà, mon brave, je crois que je vous ai trouvé une bonne place. Savez-vous un peu de jardinage? Pour ça que je lui réponds, je ne crains personne. J'ai assez de fois bigné et cerclé notre mets pour connaître le métier à fond. Eh bien, alors en route. Nous montons dans sa voiture, qui l'attendait en bas, et nous roulons. Chemin faisant, je pensais, jardinier sympa, c'est un métier plaisant. L'équipage nous amène ici au Père-Lachaise. Mon député demande le surveillant en chef et me présente. Voilà notre homme. Là-dessus, il me souhaite bonne chance, puis remonte dans sa voiture qui file au grand trot. Et alors seulement, on m'explique en quoi consistait cette belle place qu'il m'avait procurée. J'étais nommé fossoyeur, monsieur. Fossoyeur. Ça me donnait comme un frisson dans le dos. Au village, comme vous savez, on n'est pas trop crâne pour tout ce qui a rapport à la mort. On n'ose pas y penser et encore moins la regarder de près. Ça répugne, quoi. On ne passe pas volontiers le soir au long du cimetière, et creuser une fosse, manier des cercueils, c'est considéré comme le dernier des métiers. J'avais bonne envie de refuser. Mesdames, mon boursicot commençait à diminuer. Je songeais à la bourgeoise et aux 5 marmots là-bas, dans leur garni. Tout ce monde-là avait les dents longues et l'estomac creux. Si je me remettais à chercher une autre place, il risquerait de crever de faim en attendant. Je fis bon visage à mauvais jeu, et j'acceptai bravement la laide besogne qu'on m'offrait. Qu'aucun ne sort. Ça fut dur dans les commencements. Quand je donnai mes premiers coups de bêche dans cette terre grasse, blanchâtre, semée d'ossements et de débris de planches pourries, j'eus comme un tournement de cœur. Et je m'assis tout débiscaillé sur le rebord d'une pierre. Ça ne sentait pas bon comme la terre de chez nous, pour sûr. Tout en rejetant le terreau sur les bords du trou, j'étais empoigné par des idées noires. Je repensais à mes champs. Je me revoyais poussant ma charrue au revers de la côte de Tourteloup, écrasant en plein pied la bonne terre brune de chez nous, qui fleurait quasiment comme le pain chaud sortant du four. Toute notre campagne se remettait devant mes yeux comme une image. La lisière de forêt au-dessus du champ, avec un gros poirier sauvage à la corne du bois, la route à mi-côte où filait le piéton en blouse bleue à parements rouges, puis les prés dans le fond, tout blanc de rosée, et sur le versant opposé, le village dans les pruniers avec son clocher de travers. Il me semblait que j'entendais le cri aigu des motteux venant hocher leur queue grise dans les sillons, et la musique des alouettes tout là-haut, dans le brouillard. Alors, il me prenait un tel regret du pays que ça me tirait les larmes des yeux. Je me souviendrai toujours du premier enterrement auquel j'assistais. J'avais creusé la fosse dès le fin matin et je me tenais un peu en arrière avec mon camarade, prêt à la combler dès que le prêtre aurait dit les dernières prières. Le corbillard arriva en cahotant, puis une voiture de deuil, nous descendirent un monsieur jeune encore et 4 petits garçons dont l'aîné avait 10 ans à peine. 4 garçonnets vêtus de noir, tête nue, la figure bouleversée, avec des traces de larmes sur leurs pauvres joues pâles. Ils se rangèrent au long de la fosse, le père serrant la main de l'aîné. Les croque-morts empoignèrent le cercueil, rejetèrent le drap noir, et la portèrent déjà ficelée de cordes au-dessus de la fosse. Le curé marmotta vivement son latin, jeta une pelletée de gravats sur les planches de chêne, les aspergea, puis s'éloigna. Quand le cercueil commença à s'enfoncer dans le trou noir, en rabotant les cailloux, le visage du père se contracta et des sanglots paraient auxquels le prirent à la gorge. Ses lèvres se tordaient sans pouvoir prononcer une parole, et c'était navrant. Les 4 mioches poussaient des cris. Ils appelaient « Maman, maman !» et pleuraient toutes leurs larmes. Le cœur me manqua. Je devins aussi blême que le père. Je pensais à mes 5 gosses et à ce qu'ils viendraient si leur mère venait à me manquer, comme cette jeune femme qu'on descendait dans la fosse. Mes jambes flageolèrent. Je faillis me trouver mal, tandis que les croque-morts écarquillaient les yeux et riaient en dessous à la vue de ce fossoyeur qui n'avait pas plus d'estomac qu'un poulet. Il me fallut me violenter pour aider mon compagnon à combler la fosse, et quand ce fut fini, je fis tellement pitié aux camarades qu'il me conduisit chez le mastroquet et me réconforta d'un demi-verre d'eau-de-vie de mare. Le soir, en rentrant chez moi, j'étais si dégoûté du métier que je me disais « Macquart, mon garçon, en voilà assez. Vivre toute la journée au milieu des cercueils, entendre les gémissements des pauvres diables à qui la Camarde enlève les créatures qu'ils aiment, ce n'est pas une vie. Revenons-nous-en au pays. » J'annonçai mon intention à ma femme, mais la bourgeoise n'entendait pas de cette oreille-là. C'est une gaillarde qui n'a pas froid aux yeux et qui ne plaisante pas quand il s'agit d'assurer la béquille à ses petits. Elle me répondit vertement que je l'avais forcée de venir à Paris et que maintenant que j'avais une place, il fallait m'y tenir. Elle me fit honte de ma faiblesse, me traita de flemmard et de poule mouillée. Bref, pour avoir la paix, je repris mes outils et je rentrai au cimetière. N'empêche que pendant plus de 8 jours, je ne pus retrouver l'appétit. Quand je mangeais un morceau, il me semblait que c'était la terre du cimetière que je tortillais dans ma bouche. On se fait à tout, monsieur. Maintenant, j'ai 6 ans de service et je suis devenu solide au poste. Mais savez-vous ce qui m'a endurci et redonné du tempérament? C'est toutes les comédies dont j'étais témoin autour des fosses que j'avais creusées. S'il y a des gens qui versent de vraies larmes, il y en a d'entrement allés qui ne pleurent que pour la galerie et se moquent des morts comme des vieilles lunes. En ai-je vu bonté des fils, des pères et des maris qui se tamponnaient les yeux devant les amis et connaissances et qui rengainaient leur douleur dès que la compagnie avait le dos tourné. Il y en a, monsieur, qui se disputent sur la succession avant que la terre soit seulement tassée sur le défunt. La vue de toutes ces vilainies m'a débarrassé de ma sensibilité. Maintenant, je suis cuirassé comme les camarades. Et puis, en guise de distraction, j'ai mon jardinage. Ça me refait de voir de jolies fleurs pousser sur mes morts. Je mets mon amour-propre à ce qu'elle soit drue et bien portante. Aussi, je vous promets, monsieur, que votre tombe sera soignée. Je la bichonnerai comme pour moi. Je le quittai là-dessus, et comme je tournais l'allée, il me cria encore « Soyez tranquille, je vous traiterai en pays. Et si vous retournez là-bas chez nous, vous pourrez dire aux gens de Florent que le Macquart est devenu un fossoyeur premier numéro. » C'était Le Fossoyeur par André Theuriet.